Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Sim, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. On va parler de football de la NFL. Marc Diquet va être encore avec nous cette année. Marc Diquet, qui était notre chroniqueur l'an dernier, des deux dernières années de la NFL. Sauf que j'ai donné une nouvelle tâche cette année. C'est de le prix orange et le prix citron dans le monde du sport. Donc, à compter de demain, Marc Diquet va être là. Sauf que cette année, on a un nouveau chroniqueur de la NFL. Vous allez l'entendre à tous les vendredis nous parler de la NFL également. C'est Tony Guzzo, qui est le fondateur du site Internet Le Blitz. Fait qu'on est rendu avec deux chroniqueurs du site Internet Le Blitz, soit Wallet qui parle de la NCAA et Tony Guzzo qui parle de la NFL. Salut Tony! Bonjour Daddy, ça va bien? Ça va bien. Tony, effectivement, on a parlé avec Wallet, ça fait deux chroniques qu'on a avec Wallet, ça va très très bien, mais c'est toi qui as fondé le site de la NFL, Blitz NFL. Parle-moi de ce site-là. Wallet en a parlé un peu, mais étant donné que tu es le fondateur, parle-moi-en de où ça a parti l'idée. Ben, c'est une drôle d'histoire. Là. Déjà là, on commence la huitième saison, donc depuis 2011. C'était drôle, j'étais en rénovation, je construisais ma nouvelle maison, puis j'étais dans le salon à mon frère pendant que ma maison se construisait. Puis là, je me suis dit, coudonc, la NFL en français, on n'en parle pas beaucoup. Puis c'est de là que j'ai commencé petit à petit, j'étais allé voir un peu partout qu'est-ce qui s'écrivait. Puis c'est de même que j'ai recruté tous les gars, là, la dizaine de gars qu'on a là, sur le site là, qui donnent leur temps. J'apprécie énormément leur temps qu'ils donnent puis leur dévouement parce que j'ai rien à envier avec les autres médias, mais pour une gang de bénévoles, on fait un excellent travail. Là. Le facing est très, très beau. Hein? Moi, c'est sûr que tu dis « wow », rien que tu vois deux, trois fois, mais c'est vraiment professionnel. T'as rien à envier aux autres, là. Ah oui, ben j'ai, tu sais, comme en business, là, on regarde un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis j'ai appris un peu comment gérer des sites Internet, puis c'est de là que j'ai dit, faut que le visuel soit intéressant, puis non seulement le visuel, ben le contenu aussi, puis j'ai dit à nos gars qu'on doit faire attention à notre français aussi, parce que si on voit des sites NFL en France, ils utilisent encore des mots en anglais. Donc, nous, on essaie le plus possible d'utiliser les bons termes québécois. Même des fois, j'envoie un petit texto à David Arsenault d'RDS pour m'aider. Là. Ben moi, écoute, je l'ai dit, c'est sûr que les gens... Moi, je fais des fautes de français, je m'en cache pas, là, puis je l'assume, ouais. J'assume ma faiblesse. Je sais pas, j'ai fondé ma radio, mais j'ai pas le même vécu que d'autres. Ça explique ça excuse pas mes fautes, là. Mais coudonc, on peut pas être bon on peut pas être bon partout, hein. Mais il faut démontrer, moi aussi, en passant, vous allez m'entendre là, les prochaines semaines, là, quand je suis bien fatigué, je peux mélanger l'anglais, français et l'italien en même temps. Fait que, tu sais, des fois, on n'est pas expert là-dessus, mais le fait qu'on met des efforts, ben, les gens, je pense, l'apprécient aussi. Ouais. Tony, tu sais, je sais pas quel âge que tu as, mais ça s'est amélioré beaucoup, la NFL, avec le temps. Moi, quand j'ai commencé à suivre la NFL, au Québec, il n'y avait même pas de match en français. Ah, j'ai connu Raymond Lebrun, Jean Séguin, Mais il y a eu une époque avant, entre la fin de la NFL à Radio-Canada et que RDS arrive au monde, il s'est écoulé 2-3 ans, puis il n'y avait pas de match en français. Il y avait que le Super Bowl qui était présenté par 4 saisons, qui sont les ancêtres de V aujourd'hui. Tout à fait. Ben moi, j'ai 45 ans, donc j'ai commencé à regarder le football à partir des années 83-84, parce que mon équipe, c'est les Dolphins, donc j'ai commencé à suivre ça avec les Dan Marino de ce monde, là. Mais tout à fait, ça l'a tellement progressé, amélioré. C'est vraiment un événement, un happening. Malgré qu'il y a des aspects, des choses qu'on voit en dehors du terrain de football qui peut faire critiquer, mais il faut donner ça à la NFL. C'est un beau spectacle. Le fait que ce soit seulement un dimanche, malgré qu'il y en a des jeudis, samedis, là, mais le fait que ce soit tout regroupé dans le même temps, ben ça fait un happening pour tout le monde. Les gageux, les poules, tout ça, là, fait que n'importe qui peut suivre ça puis en admirer. Non, c'est exceptionnel. Donc, le blitznfl.com, Tony est là, B. Wallet, qu'on parle de la NCAA, je l'ai dit publiquement, puis je l'aurais dit, il manque juste un chroniqueur de la Ligue canadienne. Je suis désolé, on est là-dessus, mais si jamais quelqu'un veut cogner à ma porte là, pour en parler, ben je vais peut-être être ouvert à ça. Parce que, il n'y a pas de problème. Non, c'est parce qu'à un moment donné, les gens disent les gens qui snobent qui aiment la NFL ont tendance à snobber la Ligue canadienne de football. Sauf que faut comprendre des choses. C'est même pas le même football. C'est même pas le même. Tu peux aimer les deux, là. Oui, tu peux aimer les deux. Je dirais c'est 50-50. Là, ouais. Peut-être un amateur sur deux va apprécier les deux, mais quelqu'un qui aime le sport va admirer tout. La CFL, il y a quand même quelque chose d'intéressant à voir. Là. C'est le fun. Là. C'est une autre forme de jeu. Puis faut l'apprécier. Je n'ai pas parlé avant de rentrer en onde dans mes sujets, mais tu m'as ouvert la porte. Le match du jeudi soir, oui. Est-ce que c'est une nécessité? Je sais qu'Alexandre Gauthier qui va revenir de temps à autre, là, et c'était là, lui, il est contre ça, il abolirait même le match du jeudi soir. Je suis de plus en plus convaincu que ça a plus ou moins sa place. Ben, t'as absolument raison, puis je pense que tous les amateurs, les joueurs, c'est vraiment une question de business, malheureusement. On verra dans les prochaines négociations, conventions collectives, si... ils vont en parler, mais le match du jeudi soir là, a vraiment pas sa place. C'est vraiment dommage parce que les équipes ont très peu de temps pour se préparer. Les blessures, tu sais, c'est un sport de contact. Là. Après, on va dire qu'ils jouent le dimanche, puis il faut qu'ils rejouent le jeudi. Ils perdent à peu près déjà 48 heures d'entraînement ou de repos. C'est pas bon. Puis le spectacle n'est pas intéressant non plus. C'est rarement des bonnes équipes. Ben, en fait, oui, c'est des bonnes équipes parce que, si je me trompe, on a créé ça pour que au moins un match, une fois par année, toutes les équipes jouent en prime time. Oui, il y avait ça. Il y avait une année, c'était des matchs de division. Mais oui, tout le monde peut jouer, mais c'est vraiment une question d'affaires, de business, chiffre d'affaires, mais les joueurs ne l'apprécient pas, les entraîneurs non plus. Puis on a vu hier soir, mais ça c'est une autre affaire, c'est que c'est la première semaine dans la NFL, là, mais c'est rarement des bons matchs, puis en plus ils s'amusent avec les fameux, les uniformes là, d'une couleur, là. Pauvres gens qui sont daltoniens, là, ils peuvent peut-être même pas voir les matchs là, des fois. Ouais. Fait que c'est difficile pour ça. Colin Kaepernick, j'en ai parlé avec Pascal Masson ce matin. Pascal Masson, qui est mon chroniqueur LCF, qui est un ancien joueur des Alouettes. Moi, j'ai posé la question. On en a parlé beaucoup cette semaine avec Nike. Et Kaepernick, écoute, est-ce que tu vas le revoir? Est-ce que tu penses qu'il va revenir dans la NFL? Premièrement, parce que moi, je pense qu'il y a le talent, mais là, plus le temps passe, plus ça devient difficile et plus la game shape également. Ben, il y a cet aspect-là, il y a l'aspect athlétique, physique, mais je reviens toujours, mon intervention sur les jeux du soir, c'est tout l'aspect business. Puis il y a des équipes avec les gens, les propriétaires en tête, avec qu'est-ce qu'il a fait Colin, là, il y en a qui l'acceptent, il y en a qui ne l'acceptent pas. C'était-tu sa place? C'était-tu une bonne vitrine pour lui de faire ça? Lui, il a risqué sa carrière quasiment pour ça. Je pense pas. S'il veut revenir dans la NFL, c'est malheureux, mais il va falloir qu'il passe peut-être par la Ligue canadienne de football ou Peut-être pas la Arena Football League, là, mais ben, pour l'instant, je suis pas sûr qu'il y a des têtes dirigeantes qui veulent l'avoir dans leur équipe, parce que c'est vraiment une distraction. Ça fatigue ces gens-là, qu'est-ce que Kaepernick fait, même si c'est bon là, en passant. C'est ça que les gens, des fois, comprennent pas. Là. Il y en a qui l'acceptent, le geste qu'il fait ou la cause qu'il prend pour ça, mais c'était pas sa place de faire ça, mais il a pris un risque, mais oui, pour avoir la game shape, il va falloir qu'il passe par une autre ligue. Puis personnellement, pour les 2-3 prochaines années, là, on le verra pas dans la NFL. Moi, je pense que j'en ai pas. Parce que Pascal, on l'a vu avec Johnny Manziel. Manziel, écoute, ça prend au moins un an avant de changer de stratégie, d'apprendre les stratégies dans les Canadiens de football. Donc, ça pourrait être risqué, évidemment, de jouer dans la Ligue canadienne pour un Kaepernick, plus que Johnny Manziel. Par contre, ouais. Il y a deux ligues de printemps qui décollent à partir de 2019. Il y a la XFL qui revient et il y a une ligue qui est faite par CBS dont le nom m'échappe. Là. C'est CBS qui est en arrière de ça. Ça pourrait être une belle alternative, par contre, pour Colin Kaepernick. Ben, tout à fait. Puis je pense qu'il s'entraîne, il continue à s'entraîner. Mais il n'est pas en game shape. Il n'y a pas ce qu'on appelle la game non, shape. Ben non, il n'y a pas la game shape. Puis comme tu as mentionné, les livres de jeu, là, regarde cette année, là, tous les joueurs qui ont changé d'équipe ou les nouveaux coachs, là, ça va prendre une demi-saison pour se remettre dedans, là, en plus en termes de stratégie. Puis pour un quart arrière, c'est encore plus difficile. Là. Fait que ouais, peut-être la porte d'entrée dans les deux autres ligues, là, mais. Il faut faire attention, la NFL est un peu orgueilleuse aussi. Là. Donc, Il y a tellement pas de corps. Il y en a quand même. Ça a été une bonne année de corps arrière mais, ouais. Au repêchage. Mais par contre, repêcher ne veut pas nécessairement dire que ça fait une grande carrière. Parlez-en à Paxton Lynch, qui a été libéré, qui était un premier choix là, dernièrement, puis par les Broncos, puis il a été libéré. Bon carrière, Kaepernick. Oui, c'est ça. Kaepernick, c'est un bon carrière, puis je pense qu'il a encore sa place dans la NFL. Match de la semaine numéro 1. Meilleur match? Je te dirais les 2-3 meilleurs matchs, mettons. J'aime autant d'entrée de jeu dire que la première semaine, là, le premier week-end va être assez brouillon. Là. Je ne sais pas si les gens ont vu le match d'hier, là, mais ça va ressembler un peu à ça. Ils vont manquer de rythme, de momentum. Hier, il y a eu 26 punitions, là, pénalités. Donc, ça va être pas mal brouillon, mais il y a des matchs que j'ai hâte de voir. Entre autres, le retour d'Aaron Rodgers dimanche soir avec Green Bay contre Chicago. Pourquoi aussi Chicago? La nouvelle acquisition du secondaire Khalil Mack avec Chicago. Oui. Hey, je trouve que... Écoute, John Gruden est arrivé en grande pompe à Oakland. Le retour de Chucky, là, c'était incroyable. Mais là, est-ce que les Raiders vont faire les séries? Pas sûr du tout. Hein? C'est loin d'être certain. Là, parce qu'ils jouent dans une division quand même très compétitive. Kansas City, les Chargers de Los Angeles. Écoute, puis là, on échange le meilleur joueur en défensive, un des meilleurs joueurs de la NFL en défensive. Tu sais, on dit tout le temps dans une transaction, l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui a acquis le meilleur joueur. C'est pas garanti là, qu'ils vont bien se développer, les choix que les Raiders ont obtenus. Là. Exactement. Mais il faut dire que les Raiders ont quand même ils ont un bon calendrier qui va peut-être les favoriser. Mais je suis pas sûr qu'ils vont faire les séries. Puis beaucoup de pression pour John Gruden à ce niveau-là. Derek Carr, il a été blessé aussi, il revient. On ne sait pas à qui lancer la balle, le ballon, malgré qu'il y a Jordy Nelson qui est rendu là. On va voir le jeu au sol, mais le fait d'avoir perdu le meilleur ou même la face de la franchise, ça va affecter les coéquipiers. Puis c'est pour ça que ça va être aussi un match à voir là, lundi soir, là, les Raiders contre les Rams. Oh. Donc ça va être déjà là, c'est un match très important. Mais Oakland a un plan. Ouais, on en connaît du monde qui ont des plans, puis qu'on en connaît deux des DG à Montréal qui ont des plans, puis regarde ce que ça donne. Exactement, donc on va voir si ça va être comme ça, mais j'ai une crainte pour Gruden, mais C'est drôle, hein, parce que Gruden, il disait qu'on n'avait pas assez d'argent pour le payer, puis lui, tout un beau contrat de 10 ans pour 100 millions, là, ouais. Comme entraîneur-chef, là, mais je ne suis pas sûr. Puis même la communauté de la NFL dit qu'il ne devrait pas faire les séries, les Raiders, à ce niveau-là. C'est drôle, parce qu'on arrive à Las Vegas dans 2 ans, puis il me semble qu'il faut se préparer pour être très compétitif. C'est sûr que c'est vendu d'avance à Vegas, là, mais il me semble que c'est mieux d'arriver dans un changement de... Un changement d'équipe avec un changement de ville avec une équipe gagnante, me semble. Mais t'as entièrement raison. Puis c'est pour ça que tout le monde ne comprend pas ce geste-là. Ouais. Mais d'un autre point de vue, Derek Carr aussi a 24 millions par année. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une équipe qui est capable de payer deux grands joueurs à 24 millions? Il ne restera plus grand-chose pour le reste de l'équipe. Donc, malgré qu'ils ont eu 2 choix de première ronde pour les 2 prochaines années. Donc, quand ils vont arriver à Vegas, peut-être qu'ils vont avoir des bons prospects, des bons jeunes joueurs. Je pense que c'est ça leur plan. Ouais. Le match de la semaine, écoute, moi j'en ai retenu 2. Et c'est à 13h les 2. C'est d'abord les Texans de Houston contre mes Pats. Pourquoi? Pas un autre Patriots. Oui. Donc, ce sera un match très, très, très intéressant. Donc, ça va être très, très intéressant à voir. Deshaun Watson qui revient. Deshaun Watson qui est probablement le meilleur, le joueur le plus électrisant à voir. Le joueur que moi, je paierais pour le plus pour voir un match de football. Tout à fait. Et San Francisco contre Minnesota, ça va être excellent. Jimmy G contre les Vikings qui ont passé à un poil de se rendre au Super Bowl. Ça devrait être un bon match aussi, ça. Ben, c'était dans ma liste aussi, Minnesota avec Kirk Cousins. En réalité, là, ils ont donné tout ce contrat-là. En réalité, c'est Super Bowl or bust, comme on dit en anglais. Kirk Cousins, toute cette pression-là pour amener les Vikings en finale. Et de l'autre côté, Jimmy G, c'est vraiment une très belle histoire, ce gars-là. Il n'a pas encore perdu un match en 7 départs. Et là, il commence une saison complète avec une équipe qui devrait peut-être avoir une bonne saison. Les gens le voient faire les séries, mais il y en a d'autres qui ne le voient pas. On a hâte de voir ça, mais il est entre bonnes mains avec le coach Kyle Shanahan. La meilleure image qu'on peut faire, c'est que regardez hier soir, là, les Falcons, ils s'ennuient de Kyle Shanahan pour diriger les jeux à l'attaque pour les Falcons. Et là, il est avec San Francisco, puis il va aider Jimmy G à se rendre assez loin. Puis tout à fait, Danny, c'est un match à surveiller ce week-end. OK. Donc, Tony, dernière question avant de te laisser. Qui tu vois au Super Bowl? Moi, je vois les Eagles avec leur défensive, parce que, veux pas, les défensives amènent les équipes au championnat. Malgré que les Vikings ont une bonne défensive aussi. Ça va être une surprise. Je mets les Packers dans la NFC, là. Donc, les Packers devraient jouer contre les Steelers dans l'Américaine. Battre les Patriots, malheureusement. Ça fait trop d'années que je dis que les Packers vont se rendre au Super Bowl. Donc, C'est l'année où, si c'est pas cette année, l'année prochaine, on n'en parlera plus. Ben non, il y a une fenêtre, donc c'est intéressant. Il y a vraiment une fenêtre, mais la NFC, là, la nationale, est vraiment difficile à prévoir. Il y a des grandes équipes, là. Même les Saints, on n'en parle pas beaucoup. Pittsburgh contre la Nouvelle-Orléans. Puis j'aurais même dit, hier, j'écoutais Bruno Eppel au 98.5 et j'ai failli rechanger, mais je pense comment j'y allais avec lui. Lui, il va avec les Rams. Puis c'est pas mauvais quand tu regardes ça. Il y a plusieurs joueurs. C'est vraiment un excellent choix parce que Jerry Goff est à sa 3e année. Todd Gurley est là. Ils ont ajouté plusieurs vétérans qui ont déjà gagné. Sean McVay dirige très, très bien son personnel. Les Rams, très bon choix de Bruno Eppel. Ma crainte pour les Rams, c'est qu'il y a des personnalités fortes dans cette équipe-là. Donc, l'individualisme, comme on dit, là. J'ai hâte de voir ça, mais j'ai rien contre Bruno. Puis cette année, là, les experts, là, tout est bon. Là, fait qu'aller mettre tout un 5$ quelque part, là, vous avez autant de chances que les experts de gagner. Là, effectivement, c'est ce qui fait la beauté de la NFL, la parité. Ouais, La parité, exactement. Ouais. Tony, donc, très intéressant pour une première. Excellent. On se reprend vendredi prochain avec l'actualité dans l'NFL et les matchs de la semaine. Puis merci beaucoup de nous donner cette opportunité-là. Puis suivez-nous sur leblitznfl.com. Puis vous faites de l'excellent travail pour tout le sport, Danny, avec toute ta gang. Là. Fait que, on est rendu une quarantaine de collaborateurs. Wow. c'est du monde. Écoute, on essaie de parler le plus de sport possible. Fait que c'est ça que ça fait. Ben, Tony Guzzo, un gros merci. Merci beaucoup, Danny. Voilà, Tony Guzzo du site internet Le Blitz.